On est rendu déjà au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et encore une autre fois, avec grand plaisir, on va vous envoyer un beau souvenir tiré de la compilation En pleine chanson, mais c'est aussi la pièce-titre de son petit EP. Je parle bien sûr de Marie-Claude McDonald qui nous propose « Comme tu es », très beau souvenir que j'ai pris de cette compilation-là en pleine chanson, pleine comme les plaines, P-L-A-I-N-E. Très, très bonne musique qu'on retrouve sur cette compilation-là du Manitoba. On va écouter, comme je vous disais, « Comme tu es », la pièce-titre aussi de son petit EP, Marie-Claude McDonald. Par la suite, on va y aller avec un album que je devrais vous commenter peut-être la semaine prochaine. C'est Étienne Fletcher. J'ai beaucoup entendu parler d'Étienne Fletcher. Je l'ai finalement rencontré au Contact Ontarois 2019. Un gars très sympathique et qui fait de l'excellente musique, vous allez voir. De son petit EP côté A. Donc, on va entendre la pièce French Punk. Vraiment intéressant. Est-ce que ça veut dire que pour le printemps ou l'automne, il y aura un côté B? C'est à suivre, bien sûr. Mais c'est un artiste de la Saskatchewan que je trouve très intéressant. Un très beau produit que j'ai et que je vais vous commenter là, la semaine prochaine pour sûr. Donc, on va y aller avec French Punk, comme je vous disais, une très bonne pièce de ce petite compilation, ben, ce petit EP-là. On va y aller en début, par contre, avec une chanson souvenir. Voici l'auteur, compositrice, interprète de Winnipeg, Marie-Claude McDonald, avec sa chanson « Comme tu es » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Alors, aimer, c'est pourtant si facile quand on a quelqu'un à aimer comme toi. Être aimé, ce n'est pas impossible, mais il faut être disponible à aimer. Oh, t'as pas besoin qu'on quelque part, je sais, j'ai quelques mots à partager. Oh, oh, oh. Puisque je t'en parle, j'aurais un petit quelque chose à ajouter. Écoute-moi, j'ai des choses importantes à te dire. Pas souvent, mais je t'aime. Oh, un homme qui n'est pas digne. Je suis un homme qui cherche un signe. Je suis un gars qui ne s'en fait pas. Je suis un gars rempli de tracas. Monsieur Étienne Fletcher, French Punk, tiré de son album, son petit album EP, Côté A, que je vais vous parler la semaine prochaine. Très intéressant comme produit, donc, Monsieur Fletcher et de la Saskatchewan. Et on va demeurer dans ce que mon prochain invité ou le prochain artiste qu'on va entendre, il appelle ça, lui, la France Sasquazi. C'est M. Sean Jobin, bien sûr, de la Saskatchewan, qui est au Québec ces jours-ci pour quelques spectacles. Entre autres, au début mars, l'Antibar à Québec, le 1er et le 2 au Beauquébière. Ça, c'est du côté de Sherbrooke. Et il nous dit également qu'il travaille sur un nouveau EP qui devrait sortir au printemps. Est-ce que c'est fin mars, début avril? Mi-avril, fin avril, début mai, qui sait? On l'espère le plus tôt possible. Et durement qu'on aura des nouvelles, peut-être un extrait de ce nouvel EP, eh bien, on vous le fera entendre avec grand plaisir. Mais pour l'instant, on va se rappeler un beau souvenir. Je pense qu'il y a eu un clip aussi sur cette chanson-là en début septembre, début octobre, c'est aux entours là, du début de l'automne. C'est la chanson tirée de son album « Éléphant ». C'est tout simplement la chanson « La déroute ». Très intéressant comme pièce, vous allez voir. Donc, ça va nous rappeler un beau souvenir de l'album Éléphant, mais du nouveau produit s'en vient. Ça, je suis bien content de ça. Autre artiste qui nous propose du nouveau produit très, très bientôt, il semble être en studio en ce moment, c'est Loïg. Tout simplement Loïg Morin qui, lui, va nous offrir Derrière la tempête. Et c'est vraiment une très bonne pièce également de son album Rivière. Mais pour l'instant, voici Sean Jobin, La Déroute. J'ai l'âme tordue quand les hommes sont durs. Quand les hommes sont durs devant des démons sans dieu. J'suis vraiment trop anxieux comme un cheval sans yeux. Dans une course entre deux grands vétérans du jeu. J'ai le cœur qui vibre, j'ai les idées qui m'échappent. En vraie chute libre, c'est comme si j'ai perdu la carte. J'suis trop déboussolé quand mon cœur bat vite. J'suis désolé pour tous les gens que j'ai fait baver. Les deux mains sur le volant, y'a quelque chose qui me distrait. Les violents pleurent, c'est violent, j'ai peur qu'on dise vrai. Que les changements émotionnels ne sont jamais réparables. Que les défis du passé ne sont jamais comparables à les situations d'aujourd'hui. Comment m'inspirer d'où je vis quand je réside avec l'ennemi. Welcome home, honey. Le souper est sur la table, alors ferme-la et mange pendant que t'es encore capable. Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. J'ai grandi. Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. Pourtant c'est loin d'où j'ai grandi. Mon identité trop souvent mal identifiée. Ce qui entame l'homme, aux émotions trop fortifiées. Je suis fort, tu sais. Maintenant je suis un vantard. Et quand j'ai envie de baiser, je viens vite sans cœur. La saveur de goût amer ajoute du poil à ma crinière. Les égratignures sur mes nerfs expliquent rapidement mes manières. J'ai fière allure, alors je me fie à mes coutumes. Mode de vie à vif, pas de masque ni de costume. Je ne suis pas poète, je fais qu'abuser de cet art oratoire. C'est après la fête que les mots me viennent tard le soir. Alors je sais pas quoi m'appeler. Je dors sur un canapé parce que ça me coûte cher de me faire payer pour rapper. Je vais toujours me rappeler de ce que vous pensez que j'étais. Quand j'avais le dos tourné, c'est pas le vent qui chuchotait. Mais chut, le public est à l'écoute. Pour l'instant, parce qu'il aime témoigner la déroute. Parce qu'il aime témoigner la déroute. Parce qu'il aime témoigner la déroute. Parce qu'il aime témoigner la déroute. Témoigne la déroute. Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. Pourtant c'est loin d'où j'ai grandi. Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. Pourtant c'est loin d'où j'ai grandi. Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. J'ai grandi. Loïc Morin de Vancouver et Derrière la tempête. J'ai bien hâte de voir ou d'entendre le nouveau produit de M. Loïc Morin. Il est en studio en ce moment, comme je vous disais. Et puis, c'est à suivre. Sûrement, d'ici l'automne, ça va être prêt et on va pouvoir vous partager ça avec grand plaisir. Le plaisir est de vous inviter à aller découvrir un balado diffusion assez intéressant. Beau projet que nous propose Annick Granger. Vous allez sur Annick Granger, AnnickGranger.com, le ruban de la cassette. L'épisode 3 devrait être disponible ces jours-ci. Et ce projet-là est fort intéressant. C'est qu'elle rencontre des gens comme ça. Elle discute avec les gens, discute avec un autre artiste aussi pour voir comment que cette personne-là, cet artiste-là, interprète le dialogue avec Annick Granger et l'invité. Et en bout de ligne, Annick Granger nous fait une chanson pour nous créer une nouvelle chanson pour chaque épisode. Donc, assez intéressant, merci. Il y en a déjà deux qui sont en ligne. La troisième devrait embarquer ces jours-ci. Donc, AnnickGranger.com, le ruban de la cassette. Très, très beau projet. Donc, à suivre, bien sûr. Et Annick Granger, elle est aussi de la Saskatchewan, même si elle demeure maintenant au Québec. On va justement écouter un souvenir de son album Pépin. La première pièce, c'était justement la pièce « Le ruban de la cassette ». Donc, et puis, soit dit en passant, en bout de ligne, lorsqu'elle aura terminé ce balado-diffusion-là, eh bien, elle va sortir un album avec toutes les chansons qu'elle a créées durant cette belle expérience. À suivre, bien sûr, je pense que c'est pour l'automne. Mais pour l'instant, on y va avec un beau souvenir de l'album Pépin. Voici Annick Granger, le ruban de la cassette. L'asphalte nous rejette, qu'on interpelle la gravelle. Quand le béton nous tire non, on roule et les rangs durent des kilomètres. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Il faut dérouler la fenêtre. À craquer la chaufferette quand la buée va disparaître avec elle les empreintes que j'y ai faites jusqu'à casser le ruban de la cassette. Et on racontera des histoires, celles qui ne sortent que dans le noir avec sans raison de plus ce soir qu'un tas de ferraille et un plein réservoir jusqu'à casser le ruban de la cassette. Que nos contes s'entremêlent face après une épopée, un toit toujours sur la tête et des oreilles pour s'écouter. Le soleil encore se lève, qu'on ne prenne pour acquis cette fête et qu'encore on s'entête à s'aimer jusqu'à casser le ruban de la cassette. Jusqu'à casser le ruban de la cassette. Thank you.